Et voilà la jungle. Attention. La voyant femme est meilleur nom. Ou pas senti l'amour aïe grand. Ike bao sa yan chaudie la maman. Le voyant nom est meilleur femme. Ou pas senti que yaï ouvert. Ike bao sa yan fond que yaï maman. En besoin en chaudie. En besoin en chaudie. En besoin en chaudie. Yon chaudie la maman. Le voyant non même yon femme. Ou pas senti que yay ouve. Ike bao sa yon fond que yay maman. En besoin en chaudie. Ike bao sa yon fonke.